Alors, aujourd'hui, je vais commencer quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire un podcast, donc un enregistrement audio, pour vous parler des livres que j'ai lus. Alors, je ne sais pas encore si ça va bien marcher, si je vais recommencer ensuite l'expérience, je ne sais pas non plus si je vais en faire en anglais, je vais essayer, mais ça va être un petit peu difficile de m'entendre parler anglais ensuite, donc je ne suis pas sûre de le faire. Et puis je vais voir si je parle, en faisant un podcast, si je parle d'un seul livre ou si au final je parle de 2-3 livres de mes lectures et que j'espace les podcasts. Voilà. Sinon pour les recettes, je ferai toujours les recettes écrites. Et puis pareil si j'ai des photos de voyage ou autre. Mais voilà, donc ces podcasts, enfin ce podcast pour l'instant, s'adresse, enfin aura pour thème mes lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de The Treatment, qui est donc un livre un petit peu la suite de Birdman, dont j'avais déjà parlé ici. Donc, c'est un polar de Mo Ider, qui reprend le personnage de Birdman, Jack Caffrey. C'était intéressant de retrouver le personnage, surtout qu'une de mes collègues m'en avait parlé et m'avait dit qu'à la fin, on apprend enfin ce qui s'est passé ce qui s'est passé pour le frère de Jack Caffrey, sachant que lui ne le sait pas, c'est-à-dire que le lecteur apprend au final ce qui s'est passé et le personnage principal ne le sait pas. Donc ça, c'était assez frustrant pour le personnage. Enfin, on ressent de la frustration pour le personnage parce que je vous dis que vraiment jusqu'à la fin, il ne sait pas et nous, on est vraiment au courant de ce qui se passe. Même si c'est pas non plus... le thème principal de ce polar qui est au final une enquête sur un pédophile. Voilà. Alors comme avec chaque livre de Mo Ider, c'est extrêmement graphique, pas graphique dans le sens pornographique, pas du tout, plutôt graphique dans le sens où c'est extrêmement détaillé et imagé. Le précédent Birdman, c'était avec deux nécrophiles, voilà, alors que là, bon, on a affaire à un tueur en série et voilà, qui s'attaque à des petits-enfants. Je ne vous cache pas que moi-même, à un moment, j'ai eu un peu peur et j'étais contente de ne pas habiter dans une maison toute seule ou dans un lotissement. Voilà, donc c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire sans dévoiler non plus toute l'histoire. Et alors, je vous le recommande... Oui et non, c'est-à-dire que je vous le recommande si vous aimez les polars, des polars quand même très glauques, hein, il faut pas se le cacher, on n'est pas non plus dans un gentil polar un peu, je dirais pas comme Camille Alecberg parce que bon, ça touche aussi à des sujets parfois pas très reluisants de notre société, mais là on est quand même vraiment, je répète, dans le glauque, hein, c'est vraiment des thèmes qui sont je n'ai même pas le mot, mais je ne sais pas comment elle arrive à imaginer ces histoires et à les écrire. Je ne voudrais pas savoir comment ça se passe dans sa tête à Mo Ider. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle a pu vivre ou ce dont elle a pu être témoin pour partir dans ses choix de narration, mais voilà, dans ses choix d'intrigue. Mais bon, ça va très loin. Donc, je vous le recommande vraiment si vous êtes accro à des polars et que vous avez vraiment envie de quelque chose de dense et d'assez peut-être pas étouffant, mais bon, voilà. Et je ne vous recommande pas si vous êtes un peu quand même une âme sensible. Clairement, si vous n'aimez pas les polars, c'est pas la peine de le lire. Et dans un deuxième temps, je ne vous le recommande pas si vous n'avez pas lu Birdman avant. Voilà, parce que bien que ce soit deux enquêtes différentes, il y a une trame de fond par rapport à l'histoire de Jack Caffrey qui est liée, quoi. La trame de fond se poursuit dans The Treatment. Voilà, alors c'est un podcast un petit peu court, je sais pas si je me suis beaucoup répétée, j'espère que ce sera pas trop mal, j'ai pas l'intention de le couper, j'ai envie de le laisser un petit peu frais avec mes expressions, avec mes blancs, avec mes erreurs, et peut-être que donc j'en referai d'autres. Ça me paraît pas plus facile que d'écrire, et puis on peut se poser la question finalement, pourquoi faire un podcast audio à propos d'un livre écrit? C'est vrai que ça a peut-être pas forcément de sens, mais c'est vrai que c'était un médium que j'avais envie de tester. Et puis, c'était plus facile de le faire à propos d'un livre qu'à propos d'une recette où il y a quand même besoin de mettre des photos, de mettre la recette, les ingrédients, etc. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté si vous m'avez écouté jusqu'au bout.